Éveil mitochondrial. Dans l'aube cellulaire, je renais comme un ADN qui se tresse. Les ombres du passé se dégradent, je retrouve ma lumière, ma grâce. Renaissance, je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sonne. Les gènes de mes rêves s'activent, écrivent des pages sans dérive. Dans le code de mon être, je redécouvre mon propre maître. Mon propre maître. Renaissance, je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sereine. Les chaînes du doute se brisent sous le pinceau de la brise. Je peins des fresques de courage sur les membranes de mon voyage. Renaissance, je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sereine. Les mitochondries dansent en moi, symphonie douce qui me noie vers des horizons de lumière où je suis libre, où je suis fier. Renaissance, je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sereine. La joie sereine, les jardins secrets de mon âme fleurissent sous un doux programme. Et chaque pétale, chaque souffle est une promesse qui s'ouvre. Renaissance. Je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sereine. Les rivières de mon être coulent vers des océans sans houle, où les tempêtes se calment et la paix devient mon âme. Renaissance, je m'éveille sous les cieux d'un jour vermeil. Chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie sereine. Dans ce renouveau, je me lance dans la force de l'espérance. Chaque battement, à chaque instant, est un hymne à la vie éclatant. Renaissance, je m'éveille sous les cieux de jour vermeil. Et chaque cellule, chaque veine chante la vie, la joie, la sereine.